Donc, et alors, je vous laisse vous présenter avec votre prénom juste. Bonjour, je m'appelle Bérangère et je suis AESH, donc je fais partie des personnels de l'éducation nationale et je suis en emploi, on va dire quand même précaire, même si j'ai un CDI actuellement et qu'apparemment il revalorise un petit peu nos salaires. Jusqu'alors, je ne touchais pas vraiment le SMIC étant annualisé et ma retraite ne peut être que très petite. Et donc, voilà, attendez, j'ai des collègues voilà, qui viennent nous rejoindre. AESH, donc je précise, c'est... eux, ils sont enseignants, mais bon, ça va, l'équipe est assez soudée entre enseignants et AESH, puisqu'après tout, on travaille ensemble. Accompagnante d'élèves en situation de handicap. Exactement. Et donc, vous êtes sur le lycée... Le lycée Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc, à Rouen. À Rouen. Et donc, ouais, vous manifestez avec les enseignants de la même manière, c'est pas... Oui, parce que bon, moi, je ne pourrais pas cotiser pour ma retraite autrement qu'actuellement, quoi. Pour une caisse privée, c'est pas possible. Donc, voilà. Ok. Et là, il y a plein de banderoles de lycée. Enfin, à Rouen, c'est toujours assez impressionnant de voir le nombre de banderoles différentes de lycées qu'il y a. Oui. On est tous, on va dire, soudés, là, tous les établissements lycée, au collège ou autre. Et puis, bon, bah, moi, dans mon travail, je passe dans plusieurs établissements, lycée ou collège. Donc, je connais plusieurs personnes qui travaillent et on est tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Et les enseignants vont beaucoup perdre aussi pour dans cette réforme, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie.